Donc, être au passé donne war pour je, il ou elle au singulier et ça, et waren pour nous, le vous de politesse, et il ou elle au pluriel. Alors, comment direz-vous « nous étions très occupés » Wir. Wir waren. Wir waren. Sehr beschäftigt. Bien. Wir waren sehr beschäftigt. Vous voyez que dans « nous étions très occupés », « occupé » se dit « beschäftigt ». Donc, on emploie « beschäftigt » qu'il s'agisse d'un homme occupé, d'une femme occupée ou de plusieurs personnes occupées. C'est toujours « beschäftigt ». Comment dira-t-on « où étiez-vous hier soir » Wo? Wo waren Sie hier soir? Gestern Abend. Oui, gestern Abend. Wo waren Sie gestern Abend? Comment diriez-vous « il était là » Er war da. Er war da. Er war da. Oui. Il n'était pas là, se dira donc Er war nicht da. Er war nicht da. Bien. Où étais-tu? Wo? Wo warst du? Wo warst du? Tout à fait. Wo warst du? Et la même question à une personne que vous vous voyez. Où étiez-vous? Wo waren Sie? Wo waren Sie? Il y a un mot qui se prononce presque comme war, était. C'est war qui veut dire vrai. Ça s'écrit W-A-H-R. Par rapport à war, W-A-R, on allonge un peu le son A car il est suivi d'un H. Donc on dit war, vrai, et war, était. Alors, comment direz-vous c'était vrai? Es war war. Bien. Es war war. Oui. Et si vous voulez dire c'était vraiment vrai, vraiment se dit wirklich. Wirklich qui s'écrit W-I-R-K-L-I-C-H. Wirklich. Es ist wirklich gut so signifie c'est vraiment bien ainsi avec so qui veut dire ainsi. Es ist wirklich gut so. Et donc comment diriez-vous c'est vraiment vrai? Es ist wirklich wahr. Très bien. Es ist wirklich wahr. Croire se dit glauben. Glauben. G-L-A-U-B-E-N. Glauben est également souvent employé pour exprimer le verbe penser, bien que penser se dise denken. D-E-N-K-E-N. En fait, denken, c'est penser. Mais si vous dites ich denke nicht, vous évoquez plutôt l'acte, le processus de penser, ou ici, de ne pas penser. Si c'est une opinion que vous voulez exprimer comme dans « je ne pense pas, je ne crois pas », alors vous direz plutôt « ich glaube nicht ». Alors, comment direz-vous « je ne pense pas qu'il viendra avec nous » Ich glaube nicht, das. Attention, das entraîne une phrase construite comme celle introduite par « weil ». Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Je ne pense pas qu'il viendra avec nous. Dass er mit uns mitkommen wird. Très bien. Ich glaube nicht, dass er mit uns mitkommen wird.